Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule radio. Mon nom est Luc Desormeaux et aujourd'hui nous sommes stationnaires, nous ne roulons pas. Nous sommes chacun chez nous et l'autre qui est avec moi est encore mon collègue et ami, Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc! Imagine 12 heures de route et on est encore des amis quand même. C'est pas pire, hein? Puis on a parlé pas mal tout le long pour ça, je comprends pas comment est-ce qu'on a réussi à faire cette merveilleuse... J'ai même chanté. Ouais, t'as même chanté, surtout ça. Ça, c'est dur sur une amitié. Mais bon, on a survécu, on a quand même eu assez pas mal de plaisir, je dirais, malgré le chant. La réponse était dure sur une amitié aussi, je te signale. Ouais, je sais, mais bon. Donc, ce sera peut-être la dernière émission de Ça roule radio, on verra ça la semaine prochaine. Marc, il y a presque pas eu d'émission cette semaine parce que, faut le dire, Skype te déteste. Skype et l'informatique en général a une dent contre moi. Internet au complet m'en veut. Ouais, une dent, je dirais peut-être le dentier. Mais oui, ça a okay. L'air assez intense. Mais bon, mais moi, je t'apprécie quand même, malgré tout. C'est gentil, ouais. J'apprécie que tu m'apprécies. Qu'on s'apprécie, c'est ça. Ça devient compliqué, hein? Ouais. Et on fait-tu notre show, là? Ouais, on va arrêter ces petits élans d'émotion. Donc, Marc, tu vas nous parler pour commencer. Bon, on a une grosse émission encore cette semaine, là, même si elle pourrait être un petit peu écourtée, là, parce que vu les problèmes de Skype... On a des entrevues encore qui sont du Salon de Toronto de la semaine passée. Donc, on a une entrevue avec Chad Hurd de chez Hyundai qui va nous parler des nouveaux produits Hyundai. Donc, l'Elantra Sport qui a été présenté. Puis aussi, la nouvelle Accent. L'Elantra GT, c'est ça. Et, qui aura une version Sport. Qui aura une version Sport. Et la nouvelle Accent. Donc, il va nous parler. La nouvelle Accent. Oui. Donc. Et on a aussi, il faut le dire, Barbara Pidlado de BMW qui va nous parler un peu de toutes les évolutions que BMW en est rendu dans ce qu'ils ont à faire. Oui. Alors, bon, il nous parle entre autres là, de l'électrification et tout ça. Et c'est évidemment, Barbara, c'est la porte-parole de la compagnie au niveau corporatif, mais il y a des affaires qu'elle n'osait pas nous dire au moment où on nous a rencontrés. Oui, c'est ça, j'allais dire. On t'a reçu un message, après ça, un courriel qui rajoutait des informations qu'on n'a pas eues dans l'entrevue. Tu veux-tu en parler avant qu'on... Oui, ben en fait, brièvement, c'est simplement pour dire qu'il y aura... Il y a la i8 Spider là, qui va être là fort bientôt. Essentiellement, c'est ça. Là, il n'y avait pas grand-chose... De différents. C'est juste qu'elle n'osait pas trop en parler. J'ai trouvé ça très drôle. Là. Parce que elle n'osait pas trop en parler parce qu'elle trouvait que elle savait pas si elle avait le droit de le faire. Mais oui, elle a fini par le faire. Donc c'est bien correct. Là. On apprécie qu'elle ait pris la peine de nous préciser cette notion-là par la suite. Donc oui, vous entendrez tous les détails malgré tout. De ce qui se passe chez BMW au moment où on se parle. Oui, donc l'entrevue avec Chad de chez Hyundai va être en anglais malheureusement, mais on vous résume un peu de quoi il parle. On a posé une question très importante aussi à Chad, c'est que, bon, on se la posait quand on a vu qu'il allait lancer l'Accent à Toronto. Moi puis Marc, on se disait, ben les petites voitures, c'est au Québec que ça se vend et pas vraiment ailleurs au Canada. Pourquoi qu'ils n'ont pas lancé ça au Canada? Et Chad nous explique, je vais vous le résumer brièvement pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais, c'est que ben, la voiture n'était pas prête à Montréal, puis on ne l'a même presque pas eu pour Toronto. La voiture est arrivée 2 semaines avant du salon de Toronto dans dans des cartons ou dans un crate qu'on appelle, vraiment dans une boîte, elle est arrivée, puis elle a été prête pour le salon de Toronto. Mais la raison pourquoi que ça n'a pas été lancé à Montréal, puis Hyundai aurait probablement aimé ça la lancer à Montréal, c'est qu'il n'y avait pas de voiture. Il aurait pu nous donner des images, mais c'est à peu près tout. Donc, c'est pour ça que ça a été lancé à Toronto. Donc, mystère résolu. Donc, ouais. C'est ça. Juste un dernier détail, excuse-moi, sur BMW. Là. Mm-hmm. Elle a aussi précisé qu'il y aura la iNext en 2021. La iNext, c'est la voiture super futuriste qu'on a vue au cours des derniers mois pour célébrer le centenaire de BMW. Mm-hmm. Une voiture autonome, entre autres, et électrique. Donc ça, c'est supposé arriver pour 2021 chez BMW. Ça fait aussi partie de ce qu'elle n'était pas certaine d'avoir le droit de nous dire et que finalement, elle nous a confirmé par courriel par la suite. Ouais, iNext, c'est drôle comme nom parce qu'on dirait deux projets différents de Steve Jobs. Steve Jobs qui est parti, tu sais, chez Apple, c'était le iPhone, le iPad, le iMac et tout ça. Puis quand il est parti de chez Apple pour partir sa propre boîte, ça s'appelait Next. Fait que le ouais, iNext, c'est comme deux produits de Steve Jobs. Mais bon. C'est tellement trop geek, là. Ah, tellement. Je suis tellement une encyclopédie de connaissances inutiles. Ouais, surtout de connaissances inutiles. Aussi, on va avoir nos essais. Ministre des Affaires inutiles. Oui. Ministre des Affaires inutiles. Nos essais. Tu vas nous parler de quoi, Marc, cette semaine? En fait, j'ai envie de brièvement vous parler de deux voitures parce que j'ai eu l'occasion d'en essayer deux cette semaine à cause d'un tournage. Donc, je vais vous parler de la Mercedes-Benz Classe E et du Jeep Cherokee Trailhawk qui m'a bien impressionné. OK, c'est beau. Puis moi, je vais vous parler de la Ford Fusion Sport qu'on était supposé conduire jusqu'à Toronto, mais que finalement, c'est pas arrivé. On a pris la Prius à la place. Mais je vais vous parler de mon essai de la Ford Fusion Sport. Puis on va finir avec quelques nouvelles. Il va y avoir les entrevues entre ça. Donc, un show quand même assez bien étoffé avec pas mal de matériel. Marc, tu veux commencer par nous parler du salon de la moto. Parce que tu y étais ou tu vas y être ou... Moi, je vais y aller. C'est en fin de semaine. C'est bon. Aujourd'hui, au moment où on enregistre, on est vendredi le 24. Ça commence aujourd'hui. Mm-hmm. Ça se termine dimanche. C'est un événement annuel, évidemment, qui a lieu au Palais des Congrès. Et je te préviens tout de suite, je ne suis vraiment pas un amateur de moto en général. Okay. Je n'ai plus de permis de moto. J'en ai eu un quand j'étais plus jeune. Je l'ai laissé tomber. Quand j'ai fait de la moto, à peu près toutes les fois que j'en ai fait, j'ai réussi à me planter. Bref, je suis pas un petit modèle moteur, pas tellement moi. Okay. Sauf que de plus en plus, moi, ce qui m'a attiré dans l'automobile, c'est la technologie. Ouais. Et de plus en plus, quand on va voir des motos, on retrouve sensiblement le même développement. Évidemment, il n'y a pas de moto autonome, là. Non. On va quand même se garder une petite gêne. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de technologies. Et si ça fait longtemps que vous n'avez pas magasiné les motos, vous risquez d'être fortement surpris au niveau des composantes mécaniques, au niveau de tout ce qui se passe là, par rapport aux motos, aux freins ABS et à tout ça. Bref, on est vraiment dans la découverte très, très moderne de la moto. Ouais. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'il y aura à peu près 500 nouveautés qui vont être présentées au salon de la moto en fin de semaine. C'est au Palais des Congrès, je l'ai dit. Mais ça, c'est juste une partie. T'sais, c'est sûr que si vous êtes un amateur, là, vous connaissez déjà la BMW G310R, la Suzuki Van 200. C'est des trucs qui vous disent quelque chose et qui, moi, honnêtement, me disent plus ou moins grand-chose. Ouais, pareil mais ici, il y a effectivement... Ouais, c'est ça. Il y a effectivement des nouveautés pas mal. Les Indian. Moi, à mon avis, les Indian, je les aime beaucoup parce que on dirait que ça a l'air des vieilles motos des années 50 qu'on aurait restaurées. Là. Ouais, ouais. Je trouve que c'est un peu nostalgique, un peu vintage. Ça va avec mon âge avant que tu le dises. Alors, j'allais pas le dire, mais merci de le rappeler à tout le monde. c'est drôle, hein? Je te crois pas quand tu me dis que tu n'allais pas le dire. En tout cas, bref, donc j'aime beaucoup cet aspect-là de la chose. Il y a Harley Davidson qui a présenté une première canadienne aussi. Alors, tu sais, on est vraiment là, salon de l'auto, mais version deux roues. Il y a évidemment là-bas les trois roues aussi, là, avec Spider, avec le slingshot de Polaris, avec les fameux, le V13 là, de Campagna Motors, là, l'espèce de T-Rex version Hot Rod. Mm-hmm. Bref, tout ça est là. Mais ça, c'est pas la partie qui, moi, m'a intéressé. Okay. Parce que ça, c'est la partie, comme je te disais, à laquelle je connais rien. L'autre partie, c'est une partie qui est plus abordable pour monsieur et madame tout le monde. Par exemple, ce soir, vendredi soir, c'est la soirée tout en moto. C'est une soirée qui s'adresse aux femmes. Évidemment, l'accès est moins dispendieux pour les femmes, mais c'est surtout qu'on leur a préparé des ateliers, des colloques, des trucs qui sont vraiment spécifiques aux femmes. Pourquoi? Parce que c'est le marché qui actuellement se multiplie le plus rapidement. Je vois plus en plus de femmes sur des motos. Effectivement, ouais. Et c'est cette portion-là de la population qui est le plus touchée par les nouvelles motos. Donc, on a fait une soirée. Il faut dire que la directrice générale du salon est une femme. Alors, évidemment, ça contribue un peu à ça. Okay. Dans les autres affaires que j'ai trouvées vraiment, vraiment cool, c'est entre autres, écoute, je ne sais pas comment le prononcer, Zoke, S-Z-O-K-E. OK, c'est un nom de famille. Mm-hmm. C'est Jordan Zoke. Il est le champion canadien de trial. Tu sais ce que c'est du trial? Pas du tout. C'est les espèces de fous qui, en moto, là, tu sais, grimpent sur des boîtes et font des espèces de manœuvres d'équilibre et de C'est vraiment très, très populaire en Europe. OK. Ça commence à l'être beaucoup plus chez nous. Quand il y a plein de simulateurs. Toi qui tripes sur les jeux vidéo, ça m'étonne que tu ne connaisses pas ça. Il y a plein de simulateurs de trial un peu partout. OK, trial, ouais, il y a des jeux de trial. Ouais, mais en français, on dit vraiment du trial. OK, ouais, c'est correct. Je connais, c'est juste que la traduction se faisait pas dans ma tête. Mais oui, OK, je sais c'est quoi, Ouais, ouais. C'est beau. il y a bien des fois où la traduction ne se fait pas Il y a dans bien la des tête, choses qui se font pas dans ma tête, c'est correct. mais... Alors, tu as donc Jordan Zuck, qui est le champion canadien, qui est là, qui fait une démonstration. Il est là avec sa femme, Amy, qui elle aussi fait une démonstration, et leur petit-fils de 4 ans, Wolfgang, qui fait aussi des prouesses sur sa mini-moto. OK. Alors, juste ça, c'est déjà pas si Va mal. être une belle famille en vacances. Ça doit être assez spectaculaire, ouais, Pas c'est un peu, en tout cas. reposant, Par mettons. la suite, non. Après ça, ben, et ça va te concerner plus directement pour ton fiston. Il y a l'Académie de pilotage Yamaha. Ça s'adresse aux 6 à 12 ans. L'idée, c'est qu'on veut montrer aux jeunes comment conduire de façon sécuritaire une moto, comprendre c'est quoi l'équilibre, le freinage, l'accélération. Donc, on habille les enfants avec des vêtements de motocross. On les fait superviser par des entraîneurs certifiés, évidemment, et on leur fait vivre l'expérience sur une moto hors route TTR de Yamaha. L'idée, en fait, c'est qu'on veut vraiment là, les inciter à apprendre correctement. Et comme plusieurs de ces jeunes-là vont se retrouver dans quelques années au volant de scooter, ben, ils auront au moins une base et c'est déjà en soi quelque chose de super intéressant. C'est drôle quand tu dis 6 à 12 ans, c'est comme on a abandonné pour les autres, fait qu'on va y prendre jeune. Non, c'est parce qu'à partir de 14 ans, ils peuvent avoir des scooters Ouais. et à partir de 16 ans, ils peuvent suivre des vrais cours de conduite. Alors évidemment, on les prend relativement jeunes. 4 ans, ça commence à être un peu jeune, là. Tu sais, Non, ouais. Ouais, bon, mais tu je sais, comprends 10, 11, que 12 toi, ans. c'est long à comprendre. Ouais, Ben, c'est ouais. 6 à 12 ans. Mais c'est ça. 6 à 12 ans, on est dedans. Ouais, c'est ça. Après ça, ben, pour les vieux radoteux comme toi et moi, il y a le iRide. Le iRide, ce que c'est un simulateur, en fait, avec de réalité virtuelle au champ élargi. Ce que c'est qu'on t'assoit sur une moto avec des séquences vidéo qui sont des vraies séquences vidéo. Tu as une vision réalité virtuelle. On te fait faire de la route, du hors-route et même de la piste de course. Donc, on joue vraiment la carte, là, même les sons, les sensations et tout ça, pour te faire sentir comme si tu étais au volant d'une moto sans que tu sois obligé de défaire ta magnifique coiffure, mon cher Luc. Ah, c'est pas spé. Non, c'est bien. L'autre élément que moi j'ai trouvé très drôle, ça s'appelle le Wheelie Force. Tu sais, quand on était jeune, on avait nos bicycles et on essayait de faire des wheelies pour impressionner tout le monde. Ben, Ouais. non, t'as jamais fait ça? Ben, plus ou moins, là. Mon Dieu, il va falloir vraiment que je te fasse une vie. En tout cas, lâche les jeux vidéo un peu. Puis là, c'est fait avec une moto, la moto la Zéro, qui est une moto 100% électrique, et on y va vraiment. Donc, c'est un simulateur de wheelie. J'ai toujours été très, très mauvais, là. C'est là-dessus que je me suis planté, mais c'est un simulateur de wheelie. Finalement, il y a le Hangar 17. Le Hangar 17, ben là, c'est des gens qui ont, comment je pourrais dire, qui ont customisé des motos, vraiment des choses très particulières qu'on pourra voir, qui sont des trucs uniques, des modèles uniques. Bref, si vous n'êtes pas vraiment un amateur de motos de série, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, je pense que ça vaut le détour, ça vaut la visite. Ça se termine dimanche, le 26 à 17 h au Palais des Congrès. Ça vaut la peine, c'est le Salon de la Moto de Montréal. Salonmotomontréal.ca, c'est le meilleur endroit pour avoir tous les détails. Super. Donc, Marc, on va faire une petite pause, puis nous, on va revenir avec nos essais de la semaine. Donc, nous sommes de retour et Marc, tu vas nous parler de tes essais, de non pas de une voiture, mais bien deux voitures cette semaine. Et tu vas commencer par une Mercedes. Ouais, la raison pour laquelle je parle de deux voitures, c'est que cette semaine, j'ai eu l'occasion de tester deux voitures assez différentes. L'idée, c'était que je voulais me rendre. Bon, j'ai un tournage pour une émission de télé, Virage, pour ne pas la nommer, à Télémag, à Québec, et on avait besoin du Jeep Cherokee. Mais d'un autre côté, moi, je conduisais la Mercedes-Benz E300 4MATIC. C'est d'ailleurs avec celle-là que je voulais commencer parce que c'est une voiture qui, moi, n'a de cesse de m'impressionner. C'est une auto que je trouve absolument belle. On a rafraîchi le design. Elle est très belle. Elle a un châssis très, très rigide. Elle a un moteur. Écoute, c'est un moteur 4 cylindres turbo-compressé, 241 chevaux, 273 livres-pieds de couple. C'est absolument spectaculaire comme motorisation. C'est juste nerveux ce qu'il faut. C'est vraiment une belle et une bonne voiture, fort agréable. C'est bien Elle est dosé, belle là. de. Oui, bien dosé, bien équilibré. C'est probablement, à mon avis, la meilleure classe E qu'on a jamais fait de toute l'histoire. Évidemment, un peu plus tard cette année, là, il y aura, on arrivera avec des versions beaucoup plus puissantes, là, entre autres la AMG, la E43, qui est une voiture de 400 quelques chevaux, et une E63 qui fait 600 chevaux, mais bon, on n'est pas là, là. Pour le moment, on est vraiment dans la version raisonnable de la voiture. Raisonnable aussi en matière de prix, parce qu'on parle de 69 000 $ à peu près, ce qui est quand même pas si mal pour une voiture de cette taille-là. Il C'est faut le l'entrée de gamme, préciser. hein? C'est l'entrée de gamme chez Mercedes, Non, la série 3, non, non? l'entrée de gamme, c'est la série C. OK, c'est La bon. E, c'est le milieu de gamme. OK. La S est la grande taille. C'est bon. Alors, on se retrouve vraiment avec une voiture donc qui est intéressante, une voiture qui a un tableau de bord absolument spectaculaire. Écoute, il y a dans le tableau de bord deux écrans de 12,3 pouces. OK. Rien de moins. Ça Alors, commence le à être grand. premier écran à gauche, évidemment, va réunir ce qu'on appelle les cadrans traditionnels et tout ça. L'autre à droite, ben, c'est celui qui est multimédia, multiconfort et usage multidivertissement. C'est vraiment, vraiment super intéressant. C'est, à mon avis, un des plus beaux intérieurs. L'habitacle est intéressant aussi, relativement spacieux. Qualité de finition, la douceur de roulement. Bref, c'est une voiture qui, honnêtement, jusqu'à maintenant, n'a pas trop manifesté de grands défauts. Je l'ai trouvée, ma foi, fort intéressante. Bien sûr, elle est dotée d'une multitude de technologies. Dans les versions les plus haut de gamme, là, c'est même possible de la faire changer de voie toute seule. C'est-à-dire que tu as bien sûr le détecteur de voie, là, elle va t'aider à rester dans ta voie. Tu as le régulateur de vitesse intelligent. Mais si tu clignotes, tu peux, en changeant de voie, elle va changer de voie toute seule, littéralement, avec les détecteurs d'angle mort. Bon, évidemment, là, c'est pas ce que nous, on avait, mais quand même, ça existe. Bref, c'est donc une voiture qui est, à mon sens, extrêmement spectaculaire. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette voiture-là. Je l'aime toujours. Je dois la rapporter lundi prochain et j'en pleure d'avance. Bien sûr, là, c'est 4MATIC, donc tout système de rouage intégral. Il y a aussi un système qu'on appelle le Dynamic Select qui te permet de choisir les modes de conduite qui vont de éco à confort à sport plus. À ce moment-là, ben, on change la direction, on change la suspension, la transmission, la réactivité du moteur. Bref, c'est une auto qui est à la fois jolie et à la fois très efficace. C'est définitivement pour moi la meilleure classe E. Bon, c'est bon. J'ai eu aussi l'occasion de me retrouver dans un autre type de véhicule et je voulais en parler en quelques mots parce que c'est un véhicule qui a eu mauvaise presse. C'est le Jeep Cherokee. Jeep Cherokee, quand il est sorti, les puristes disaient, il est pas beau, on a triché sur les phares en avant, ça a plus l'air d'un Jeep. Aujourd'hui, avec le recul, en plus, écoute, il y a eu des problèmes avec sa transmission automatique 9 vitesses, on le sait. Ouais. Donc, c'était pas nécessairement la meilleure idée au monde au moment où ça a commencé. Mais ça s'est finalement très, très bien déroulé. Et aujourd'hui, on arrive avec un Jeep Cherokee Trailhawk. Qu'est-ce que c'est le Trailhawk? C'est la version extrême, si tu veux, du Jeep Cherokee. Parce qu'évidemment, le Jeep Cherokee, c'est un petit utilitaire sport compact. Quand on arrive dans une version extrême, c'est qu'on arrive avec une version qui est dotée davantage pour le hors-route. Elle est d'ailleurs trail rated, c'est-à-dire qu'elle est capable d'affronter les plus grandes difficultés hors-route. Garde au sol qui est un peu plus élevé, des roues de 17 pouces. On a un système, le Drive Lock, qui te permet de jouer avec tes roues motrices, donc ton transfert de couple pour te sortir des problèmes le cas échéant. Un différentiel, bien sûr, verrouillable. Boîte automatique 9 vitesses, on l'a dit. V6 271 chevaux, mais il y a aussi un 4 cylindres qui existe. Bref, c'est un véhicule qui est assez complet dans sa forme, qui est aussi à l'intérieur bien fait. Il est doté du système Uconnect que moi j'aime beaucoup. Oui, très bon Un système. effectivement, qui est un des systèmes les plus faciles en son genre. Ouais. L'espace intérieur est tout à fait correct. C'est un vrai Jeep avec tout ce que ça représente comme intérieur. On n'a pas réinventé la roue. On a un grand écran facile, relativement ergonomique. Bref, honnêtement, il est à la fois confortable sur la route et à la fois capable hors route. Bémol, 35 000 pièces de base. Pour un utilitaire sport compact, ça commence à être un petit peu excessif, d'autant que le Jeep Cherokee commence à 29 000 en temps normal. Alors, une fois équipé comme celui que j'ai, ben, on est à peu près à 43 000 $. Ça commence à être pas mal d'argent. Et il faut aimer le genre. Moi, j'aime beaucoup. On a vraiment fait des efforts. On a mis des crochets rouges en avant. On a mis toutes sortes d'affaires. Donc, on en a vraiment créé un look très particulier. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut être un vrai maniaque pour aimer ce type de véhicule-là. Moi, je l'ai beaucoup aimé. À 35 000 piastres, j'ai un petit peu le poil qui raidit sur les bras, mais n'empêche que c'est un véhicule qui mérite d'être découvert, honnêtement. Il est trop souvent négligé par rapport à ce qu'il est là. Ouais, ça se passe. Le problème, c'est que la majorité des gens amèneront pas ces véhicules-là nécessairement hors route. Tu sais, peut-être faire, tu sais, de la route de Gravel là, quand tu montes dans le nord, là, mais tu sais, aller vraiment du hors route, là, genre le Rubicon, là, personne va aller faire ça avec ça. Fait que faut penser à un moment donné, est-ce que ça vaut la peine de payer un premium pour des capacités que je me servirai pas nécessairement. Mais il y a un look différent aussi. Il a l'air beaucoup plus agressif. Il a l'air beaucoup plus capable, t'sais, que la version de base. Fait que des fois, c'est une question Oui, c'est de ça. look puis de, t'sais, de ce que ton camion a l'air plus que d'autres choses. Oui, et puis il y a un tag Trailrated à l'extérieur. Tu sais, on joue vraiment la carte là, un peu extrême. Comme tu dis, pas beaucoup de gens vont le faire, mais en même temps, tu sais, je pense que c'est très joli et c'est très. Moi, en tout cas, j'aime bien ça. Oh oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le Jeep Cherokee. Oui. Toi, tu es allé dans un autre genre, quelque chose d'assez cool, par exemple, la Ford Fusion Sport. Quelque chose de pas mal cool. D'emblée, là, je vais être franc, je suis pas un fan de l'allure de la Fusion. Je trouve que c'est une belle voiture, mais je trouve pas que c'est la plus belle voiture de sa catégorie. Il y a quelque chose dans le look général de la voiture qui accroche, mais ça reste une jolie voiture. Mais ce qui est intéressant de la Fusion Sport, c'est tout le reste alentour. C'est le côté un peu déjanté de cette voiture-là. Ceux qui connaissaient dans le temps les Taurus SHO et ces choses comme ça, ben la Fusion Sport, c'est un peu comme l'évolution de la Taurus SHO, là. On parle d'une voiture avec un V6 de 2,7 litres, traction intégrale qui développe 325 chevaux, 350 livres-pieds de couple. C'est un peu comme l'équivalent peut-être de la Cadillac ATS-V chez Cadillac. C'est vraiment la fusion au tempérament sportif. C'est une voiture qui est extrêmement posée en temps normal. Donc, c'est une voiture qui est confortable, une voiture extrêmement silencieuse, surprenamment silencieuse à l'intérieur. Technologie, bon, on parle du Sync 3 qui est vraiment une version beaucoup améliorée de ce que Ford avait avant là, avec le Sync régulier puis le My Ford Touch. Ça fonctionne vraiment beaucoup mieux. Les cadrans sont jolis. Le volant se prend bien en main. La transmission fait un bon travail. C'est une transmission automatique à 6 vitesses qui fait vraiment un travail impeccable. Il n'y a pas vraiment de côté négatif à cette voiture-là. La suspension est confortable et tout ça. Donc, moi, c'est un peu le design. Je pense que la Fusion est dû peut-être pour un petit relooking un peu plus intense que ce qu'on a fait dernièrement, là. Mais ça reste une voiture qui est quand même jolie, puis une voiture qui est très agréable à conduire. Ce qui m'a surpris un peu, c'est le prix. Sur le coup, quand j'ai vu la feuille de prix de la Fusion, c'est 44 038 $ avec le transport inclus. Oui, mais là, t'as la sport, là, t'as C'est le haut de ça. gamme, là. Sur le coup, tu te dis, ben, il y a la Sport, puis il y a la Platinum, puis la Platinum, puis la Sport partent au même prix. C'est juste que probablement Oui. les options qui sont différentes et des choses comme ça, mais tu regardes. Les fameux systèmes anti-nid de poule. Oui, le système anti-nid de poule dans la Sport, la voiture qui est vraiment capable de sauter par-dessus un nid de poule, c'est qu'elle va, le système, les amortisseurs vont retenir la roue pour pas qu'elle descende dans le nid de poule, fait qu'elle va juste comme passer par-dessus. Ça, c'est une technologie qui est assez intéressante, surtout à Montréal. Mais comme je disais un peu à quelqu'un à la blague, c'est parce qu'à Montréal, elle serait toujours sur trois pattes, parce qu'il y a toujours un nid de poule à quelque part. Mais ça reste que c'est une voiture qui est vraiment confortable puis qui est vraiment assez incroyable. L'accélération, comme je disais, elle peut être vraiment posée. Si vous la poussez pas, vous allez rouler, vous allez penser que vous êtes dans une petite fusion, ben pépère, mais vous donnez juste un petit coup d'accélérateur, puis la voiture bondit par en avant. C'est un peu la réaction, comme je disais, qu'on avait dans la Cadillac ATS-V, où c'est extrêmement posé, puis tu écrases l'accélérateur, puis la voiture, comme se déchaîne tout d'un coup. C'est Ouais, c'est exactement un la même sleeper, là. chose avec la fusion. C'est un C'est sleeper. Exactement. Oui. la vraie définition du sleeper, là, Ouais, tu sais. vous allez arriver sur un coin de rue, là, puis on fait pas ça, là, mais tu sais, le classique, j'arrive sur un coin de rue à une lumière, puis le gars à côté me regarde avec son petit char sport, puis il fait vroom, vroom, vroom pour voir parce que moi j'ai une fusion, puis il pense que j'irai pas nulle part. Excusez, là, pas avec elle. Fait que le petit smart, là, qui fait son vroom, vroom, vroom, sa lumière rouge, elle regarde s'il y a le badge écrit sport en arrière, puis si oui, calme-toi. Parce que la voiture décolle. Voyons donc, tu fais jamais ça, Non, non, Luc. non, mais si, je suis sûr qu'il y en a qui le font pareil, là. Mais tu sais, c'est une voiture à traction intégrale. Fait que quand tu écrases l'accélérateur, ça niaise pas, là. Ça décolle. Puis c'est une voiture qui est très très capable, puis un petit, comme je dis, vous appuyez juste un peu sur l'accélérateur, puis vous allez voir la voiture se déchaîne tout d'un coup. C'est vraiment agréable. Elle est stable dans les courbes. C'est vraiment une très très bonne voiture. Puis tu sais, je te disais, quand j'ai vu le prix, j'ai trouvé que ça avait l'air cher pour une fusion. Mais quand tu regardes ce que tu as, quand tu regardes le comportement de la voiture, quand tu regardes ce que la voiture est en tant que telle, l'espèce d'esprit sportif que cette voiture-là, a, c'est pas cher, 44 000 $ là. C'est presque une aubaine. C'est vraiment une voiture qui est vraiment intéressante. Côté consommation d'essence, j'aurais aimé ça la rouler plus. On est parti à Toronto, fait l'aller-retour. Fait qu'il y a été deux jours où j'ai pas vraiment roulé la voiture. Puis je l'ai roulé je l'ai roulé dans le trafic. J'aurais pu faire beaucoup mieux. J'ai fini avec 10,5 litres aux 100 km de moyenne. Mais. Ce qui est très raisonnable, mais j'ai l'impression que si on avait fait Toronto, puis revenir avec, on aurait probablement été plus bas que ça parce qu'on aurait fait beaucoup, beaucoup de longues routes. Fait que j'aurais peut-être fini peut-être en bas de 10. T'sais, c'est une voiture qui est probablement capable, sur des grands trajets, de faire 9,5 litres au 100 km, 9,8, dépendant comment vous conduisez, là. C'est une voiture qui peut faire beaucoup mieux que ce que moi j'ai réussi à faire avec. Je pense 10,5, c'est bon, mais ça pourrait être encore mieux. Ça pourrait être pire si j'aurais eu 15 tempêtes de neige dans ma semaine, puis j'aurais passé mon temps à presque arrêter dans le trafic, mais ça aurait pu être mieux que ça. Donc, moi, c'est une voiture que j'ai vraiment adorée. J'ai resté surpris. J'ai conduit plusieurs fusions durant les dernières années. Un EcoBoost normal avec l'EcoBoost 2 litres qui consomme un peu beaucoup pour ce que c'est. La version hybride qui était vraiment bonne, mais c'est une version hybride, ça vient avec une CVT, c'est pas sport, ça donne pas vraiment le même feeling de conduite que cette fusion-là. Ça, c'est vraiment la fusion. Si vous avez le goût de vous payer une Ford Fusion, puis vous avez l'argent pour vous payer une Ford Fusion de ce prix-là, allez vous chercher une fusion sport. Vous allez avoir le sourire d'en face à toutes les fois que vous allez apprendre pour aller travailler le matin. Je vous garantis, c'est une merveilleuse voiture. La seule chose que j'aurais aimé, c'est un toit panoramique. Elle a le toit ouvrant un peu... Tu sais, il n'est pas petit, mais il n'est pas énorme. Il me semble qu'un toit ouvrant panoramique, ça aurait été beau dans cette voiture-là. Puis il y a une chose que je suis pas capable... Grosse amélioration côté de Ford, là. Il y a beaucoup de vrais boutons maintenant. Il y a des boutons physiques pour les sièges chauffants, ces choses-là. On n'est plus obligé d'aller sur l'écran pour faire ça. Mais il faut encore aller sur l'écran tactile pour partir le volant chauffant. Personnellement, moi, je suis pas capable. Ça, c'est dérangeant. Hein. C'est, franchement, si tu as froid aux mains et il faut que tu partes ton volant chauffant, la dernière affaire que tu veux faire, c'est d'enlever tes gants pour aller partir le volant chauffant. Un bouton physique à quelque part, ça serait merveilleux. Mais à part ça, j'ai pas vraiment de côté négatif à cette voiture-là. Le coffre, l'entrée du coffre est peut-être un peu petite, mais le coffre est grand. Il y a beaucoup de place pour mettre plein de choses dedans. Vous partez en voyage en famille. Le coffre est assez grand pour mettre des valises et plein de choses. Confortable en arrière, en avant. C'est vraiment une magnifique voiture de Ford. Puis je vous dirais, si vous avez les moyens, puis c'est ça que vous cherchez, Ford Fusion Sport, mettez ça sur votre liste, puis allez essayer ça. C'est vraiment intéressant, puis je pense que tu l'aimes toi aussi. Oui, effectivement. Tu as raison, c'est un sleeper. C'est juste le fun à conduire. Est-ce que j'irais m'acheter ça? Probablement pas. Tant qu'à m'acheter quelque chose, j'aimerais mieux m'acheter quelque chose qui s'assume un peu plus que ça. Mais oui, c'est une très belle voiture. C'est bon. Donc, Marc, on va faire une petite pause. On va revenir avec des entrevues qu'on a fait au Salon de l'Auto de Toronto. Alors, on l'a dit, BMW a une année exceptionnelle cette année. On nous présente des beaux modèles et Barbara Pribledo, la responsable des communications du Canada, nous en parle un peu lorsqu'elle l'a rencontrée au Salon de Toronto. Alors, on est avec Barbara Pribledo qui est de chez BMW. C'est un gros salon pour BMW. Vous avez présenté beaucoup de produits, dont la nouvelle série 5, qui était déjà pas mal la meilleure dans sa catégorie. Alors, qu'est-ce qu'on a amélioré sur la nouvelle série 5? Excellent, absolument. Et en fait, la raison pour laquelle on a plusieurs voitures, c'est à cause du fait qu'on a dévoilé la famille BMW série 5. Donc, on avait ici aujourd'hui le 540i, le 530e et le M550. Donc, toute la famille de électrique jusqu'au haut de gamme de haute performance. OK. Et c'est... tout a été refait sur la série 5. On part vraiment, on est parti de zéro. Absolument, une complètement nouvelle génération. Et comme avec plusieurs de nos voitures, la série 5 gagne des innovations de la série 7. On a lancé la nouvelle série 7 l'année passée avec les choses comme Gesture Control. Donc maintenant, tu vois ces innovations dans la série 5. Okay. Oh mon Dieu. Je me suis amusé d'ailleurs avec la série 7 à jouer avec le volume. J'adore mais non, ça. C'est facile. parlant de série 7, vous avez aussi dévoilé un monstre. Oui. La M760Li. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot de la 760? Oui, c'est la plus puissante moteur de production de BMW. Donc, c'est un V12 qui va à 0 à 100 km à l'heure en seconde. Oui, oui, incroyable. Mais c'est toujours un véhicule de luxe. À l'intérieur, tu as toujours l'executive lounge en arrière et toutes les innovations, ce dont on a parlé avec le lancement de nouvelle génération de série 7. OK. Alors, évidemment, on n'a pas parlé du prix encore, je pense, de la 760. Ah non. C'est à 159 000. Ah, mon Dieu. Ça ne sera pas encore pas cette cher semaine. Pour quelques heures. Non, c'est ça, exactement. sauf qu'au moment où on se parle, on est assis dans un autre format de véhicule. En fait, on est dans la nouvelle Mini Countryman. Là aussi, beaucoup de nouveautés avec la Countryman. Absolument. Donc, on a lancé pour la première fois au Canada la nouvelle Countryman à Montréal, plus grande que l'ancienne génération, beaucoup plus des innovations, plus d'espace, mais toujours un mini avec le plaisir de conduite qui est toujours là. On a dit aussi, je crois, à Montréal, qu'il y aura un autre niveau, on dit, de Countryman. C'est le Cooper SE Countryman All 4. Donc, ça veut dire que c'est la 4 roues motrices, mais on peut le brancher aussi. OK. C'est le premier plug-in pour la marque Mini. Et quel genre d'autonomie on peut avoir avec la De 40 km électrique. Oh, c'est bien. Oui. Justement, on s'en va où avec l'électrique chez BMW et chez Mini? Parce que, bon, oui, on a là un plug-in hybride. Oui. C'est quoi les prochaines étapes dans ce sens-là? Donc, pour BMW, ça, c'est un de nos topics les plus importants, c'est l'électrique. Donc, on a la marque avec le groupe, donc ça veut dire BMW et Mini, avec la plus grande choix de voitures électriques ou hybrid electric dans le segment premium. Donc, on a le 330, maintenant le 530. Il y a une série 7 que tu peux brancher, un véhicule utilitaire sport, le X5, et maintenant un Mini avec le Countryman. Donc, c'est une chose très importante pour nous. On avait aussi dans la série des voitures écologiques, la série des i, la oui, i3, absolument. La i8. Oui. Ça, c'est quelque chose... Bon, à Montréal, on a vu une édition là, rouge, quelque chose. Oui, là. Protonic rouge. Oui, exactement. Oui. Mais bon, du point de vue mécanique, il n'y avait aucun changement. Non. Est-ce qu'on peut s'attendre... Est-ce qu'il y a des évolutions du côté de i? Et est-ce qu'on peut s'attendre à un jour voir une i5? Parce qu'on en a parlé longtemps. Oui. Donc, d'abord, pour le i3, on a maintenant une nouvelle batterie avec l'autonomie de 50% plus longue. Et c'est ça pour maintenant avec la série E. On a des éditions spéciales pour le i8 qu'on a montré à Montréal. Il y aura des autres éditions spéciales aussi. Mais on ne parle pas à ce point d'une autre voiture. La règle d'or en PR, c'est ça. C'est, on ne parle pas des futurs produits. C'est ça. Ben écoute, merci beaucoup, Barb. C'était très agréable. Et tenez-nous au courant si jamais vous décidez d'avoir d'autres choses. Absolument. Merci Marc. C'est Hyundai qui a présenté la seule primeur mondiale au Salon de l'Auto de Toronto. Chadwick nous en parle de cette nouvelle accent et de tout ce que Hyundai nous réserve pour les prochains mois. So we're with Chad Erd, who's responsible for communication and products at Hyundai. And at the Toronto Auto Show, hopefully we had Hyundai because you're the only company who really showed something really new, and it's a world premiere, the Hyundai accent. Why did you choose to do that in Toronto? Because basically, subcompacts are really popular in Quebec. Mm. This is the first thing. But can you talk about the product itself? Sure. So we actually debuted, we had the North American debut of the previous generation accent at the Montreal Auto Show. Yeah. And so when this new accent was coming out, you know, we started to ask around, said, hey, can we do the North American and maybe the global? How quickly can we get a car? We wanted it for Montreal. Unfortunately, the car didn't exist for Montreal. It actually landed in Toronto on, I mean, today is Thursday. It landed a week ago Thursday. So we barely got it out of a crate that came on an airplane into a studio so we could photograph it, get it ready into the show and do the debut. Like, it just wouldn't have happened for Montreal. But trust me, I would have loved to do it in Montreal. That's okay. We forgive you, Chad. but what about this car? I mean, this accent did just like I did. I mean, it grew on every part of its body. It's not a subcompact anymore. I mean, no. It's basically a compact. It is. It's a compact size. So it's longer, it's wider. It actually has more wheelbase, but the height is the same, right? So it looks more stretched and more planted on the ground. There's more interior room. It's very comfortable car to be in. I think the Quebecois will like the car a lot. How about the engine? So the engine is new, significantly redesigned. It's still a 1.6 liter four-cylinder engine, 132 horsepower, but it's more efficient by about 7% versus the previous version. But it's also more fun to drive. So we actually changed the power band so that from 1500 to 3500 RPM, there's more torque, there's more power. So it's much more responsive on your everyday drive. Engine's one thing. The other thing that really interests us is technology. What's new in the Accent? Because Honda is really going forward in this direction. I mean, with new product connectivity and stuff like that. So what's new in the Accent? There's a lot, actually. So we have a 7-inch touchscreen display with Android Auto and Apple CarPlay. We've got a backup camera. We've got we've got things like heated seats, which is very, very important in Quebec. But we also have technology like an autonomous emergency braking system. So if you don't notice the car in front of you that's stopped, the Accent will actually stop itself to avoid a collision. You know, this type of stuff was available in luxury cars not too long ago, but now you can get it in a subcompact car that's really a compact. Yeah, it's kind of funny because not too long ago, when somebody went to buy a really small car, you were kind of getting punished, right? You were getting the car with no technology and, you know, really basic stuff. It's not like that anymore. You can get a small car with the technology of, you know, the biggest car. Right. It's those safety systems. It's those comfort features. Android Auto. I don't remember living without Android Auto because it's just so easy to mimic the phone up on the screen while you're driving down the road. You're using Google Maps to find your destination. You can talk to your car. Like, it's such a cool piece of technology that now you can get into an Accent. It's an amazing time to buy a car nowadays. And we're talking about standard heated steering wheel and standard heated seats? Those are actually as part of our Elantra GT. Okay. Our new five-door, that's coming in the spring. That's the European version of our Elantra. So we're having a lot of standard equipment on that one. But, some of those features that are standard on the Elantra GT will be available in the Accent in some of our highest volume trims, yes. When is the Accent going to be available? So it's going to arrive at dealerships in Canada. The sedan will come first, close to the end of this year. We're probably looking at November, December timeline. And then the five-door is going to follow early next year. So maybe 12 months from now, we'll see the five-door arrive. You talked a little bit about the Elantra GT. That's also something you showed for the first time in Canada, yes. Here in Toronto. You are bringing a car. Yeah, okay, that's a GT, that's a five-door. We know the feeling. But you also have a sport version? Yes. That's pretty different for you. It is. So this is what happens when you take the Elantra sedan sport and you give it to the Europeans and say, okay, make an Elantra GT sport. And they did that. So they've tightened up the suspension, the steering, and the driving. And they've taken that 201 horsepower, 1.6 liter turbo engine, 6-speed manual transmission or a 7-speed DCT transmission. The thing is going to rip down the road really, really well. I think it's going to be my next car. Could be a really good seller. It could very, very well be a very good seller. There's not a lot in the market in that space, right? It's not a hardcore hatch, but it's going to have some good scoot to it. It's going to have some good fun to drive feel to it. I think with that 201 horsepower, as I said, and that European driving dynamics, I think people are going to have fun behind the wheel. Sure. So you've got the Accent, you've got the Elantra GT, and you've got the Ioniq coming in any days now. Any day now, yeah. What's the next step? I mean, where are you going? Well, I think if you head over to the other display, you'll see some news in our Genesis booth. Yeah. So in our luxury line, we've spun off Genesis, and it's a separate, distinct entity now. We have some new cars coming in that space. So we're gonna have a 6-model lineup by 2021 in our luxury line. So that's gonna keep us pretty busy as we move forward down the road. We talked briefly about the Ioniq that is coming, full electric, hybrid, plug-in, whatever. How about a fuel cell? You still have some Tucson fuel cell running around in Canada. We do. But you don't talk much about those cars, and you don't talk much about the future of this technology. I wouldn't say that's true. I think we're just talking to a different audience now. So, we made big efforts in communicating to Tucson fuel cell to Canadians. It's still available. It's still part of our lineup. I think what we've done is we've started to talk with people in federal, also Ontario and Quebec provincial governments, so that they can decide where we're going with fuel cell technology. They need to experience the product, understand that it really fits in the Canadian market as an alternative to gasoline powertrains. You also started talking about something really cool, which is people are going to start being able to buy their cars online. Mm. Now, you guys are doing that with Genesis, and it's fairly quick. I didn't think Hyundai would jump on that wagon as quick as you guys seems to do, but you're starting that like really soon. Well, we're getting there. So we launched an all-new website at HyundaiCanada.com. Which looks great. Which does look great. Thank you. That will allow you, as we develop that site, to do a lot of that wheeling and dealing that you've typically done in the dealership. You can do it online. So if you want to apply for a lease or finance, you can do that online. You can get an appraisal for your trade-in. You can do that online. So we're not going to get rid of that dealership model. That's still going to be very much part of it. But for some customers, they really want an Accent. That's all I want. I want an Accent 5-door, and I want it in this color, and I want it with this equipment. I just need to find it. So now we're going to have the online tools that will enable them to do that, so that they just go into the dealership and walk away with a car, basically drive away with a car, I guess. So I think the Genesis model is great at moving the industry forward in that customer experience and utilizing modern technology to simplify that car buying process. When you get into Hyundai, which we sell 140,000 cars a year, that model doesn't always work in that virtual environment. I think we can take elements of it and do best practices from Genesis and apply it to Hyundai. But I think what you see with the Hyundai business is going to stick around for a little while. It's a good step forward. It is. It is a good step forward. We want to have the best customer experience in the industry. We want customers to rave as much about their Hyundai buying experience as their Hyundai vehicle. So if we can get to that point, then we've won. Thank you. Alors nous on fait une petite pause puis on revient tout de suite avec les nouvelles. Alors nous sommes de retour et Marc, c'est l'heure du dernier bloc de l'émission. C'est notre bloc nouvelles. Qu'as-tu pour nous cette semaine? Cette semaine, j'ai un peu de fiabilité et un peu de statistiques d'achat. C'est-à-dire que, comme chaque année, c'est la 28e édition, J.D. Power vient de publier son sondage sur les indices de fiabilité. Qu'est-ce que c'est l'indice de fiabilité? C'est qu'ils prennent des voitures qui datent de 3 ans. Donc, on est en 2017, on parle de voitures 2014, et on parle à plusieurs dizaines de milliers de propriétaires pour voir s'ils ont eu des problèmes particuliers avec leur véhicule. Quand on parle de problèmes particuliers, là, on parle de problèmes qui ont nécessité l'intervention de mécaniciens ou de quelqu'un chez le concessionnaire. Okay. Il s'agit pas, là, on ne parle pas d'entretien régulier, genre t'as changé tes plaquettes de frein. Là. On parle vraiment de problèmes qui ont nécessité une intervention un peu plus évidente de la part de quelqu'un de la compagnie. Okay. Rien d'usure normal là, ou de des choses vraiment, non, non. Vraiment importantes. Là. Plus important. Donc, on parle de problèmes particuliers. Alors, par exemple, on se rend compte que cette année, les problèmes qui sont liés au système de communication, système audio, système de navigation, sont en hausse pas mal et ils comptent pour 22% de tous les problèmes. OK. Alors, c'est quand même intéressant. Mm-hmm. Pour la troisième année consécutive, le problème le plus souvent rapporté, c'est un problème de connectivité avec le Bluetooth. Ouais, OK. Et avec les reconnaissances vocales, ben ça, on est habitué qu'il faut parler chinois pour réussir à se faire comprendre dans bien des voitures, alors ça étonne personne. Ouais. Ce qui, moi, m'a impressionné, cependant, c'est que 44% plus de propriétaires, donc on parle de beaucoup, ont eu des problèmes de batterie avec leur véhicule. OK. Et ça, c'est impressionnant parce que ça faisait même pas partie du top 10 des problèmes avant. Et là, aujourd'hui, c'est dans le top 10. Donc, les gens sont effectivement liés à ça. Et comme il y a beaucoup plus de technologies embarquées électroniques, on a besoin de plus de batteries. Donc, ça tire du jus. OK. Ceci étant dit, ce qu'on fait à partir de là, et on a parlé à 34 000 exactement, là, 35 186 propriétaires de voitures 2014. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi le nombre de problèmes par 100 véhicules. Alors, par 100 véhicules, la moyenne de l'industrie, c'est 156 problèmes. OK. OK? Ouais. Donc, 1,56 problèmes par voiture. Mm-hmm. Les grands gagnants, c'est Porsche et Lexus qui ont eu chacun 110 problèmes par 100 véhicules. Oui. C'est bon. Ça, c'est les grands gagnants. Oui. Ce qui est un petit peu décevant dans les deux cas, c'est qu'ils ont eu plus de problèmes que l'année passée. C'est les deux mêmes gagnants que l'année passée, mais ils ont eu plus de problèmes que l'année passée. OK. Alors, ça, c'est un peu regrettable, mais quand même, ça va bien. Troisième position, Toyota. Ça veut donc dire que Toyota et Lexus, qui sont en fait la même compagnie, dominent littéralement deux des trois premières positions. Ouais. Ça montre une stabilité aussi chez le constructeur. Parce que, oui, effectivement, mais tu sais, écoute, ça fait je ne sais pas combien d'années que Toyota est à ce niveau-là, donc on n'est pas vraiment sûr. Non, non, non. On continue par la suite. Buick est en quatrième position. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Oui, oui, c'est surprenant et agréablement, une surprise agréable, mettons. Effectivement. Parce, ouais. Par la suite, tu te ramasses avec Mercedes-Benz, ouais. Hyundai, ouais. BMW. Mm-hmm. Alors, tu sais, on a deux Allemands dans les six premières positions. Ça aussi, c'est un changement parce qu'on le sait, les Allemands avaient tendance à avoir des problèmes abondamment avec leur système électronique. Ouais. Alors, ils sont malgré tout dans les premières positions. Ouais. On continue. Chevrolet, Honda, Jaguar est aussi dans les meilleurs. Ouais. Et ça, c'est encore une fois une découverte parce qu'on le sait, tout le monde qui s'achète une Jaguar s'imagine qu'ils viennent de devenir... Ils viennent d'avoir une invitation au party de Noël de leur concessionnaire. Oui, oui, ouais, ça, c'est clair. C'était ça avant. Mais... C'était ça avant. Il n'y a pas tellement d'années. Mais non, là, depuis qu'ils ont été rachetés par Tata Motors, on sent vraiment une amélioration et ça paraît. Ouais. Kia, Lincoln, Mini, GMC, Cadillac, Audi et Volvo sont tous meilleurs que la moyenne de l'industrie. Ouais. Encore là, Mini, qui était... Tu sais, tu parlais à beaucoup de gens avant. Tu disais, ah ouais, tu t'achètes une Mini, tu t'achètes des rendez-vous au garage. Donc, c'est ça. Tu sais, eux autres aussi se sont améliorés. Et ce que tu vois là-dedans... Avec Volvo, là. Oui, oui. Mais tu sais, ce que tu vois là-dedans, c'est que tout le monde aussi qui crachait sur GM en général, là, les chars américains, toutes les filiales de GM sont au-dessus de la barre de la moyenne de l'industrie. Oui, effectivement. T'sais? Et c'est vraiment, ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Après, ça commence à devenir moins le fun. Un petit peu. Vraiment. Oui. Parce que là, on tombe à moins bon que la moyenne de l'industrie. Et là, il y a vraiment des surprises. Chrysler, qui est tout de suite... La moyenne de l'industrie, c'est 156. Chrysler est à 159. Là, on ne fera pas de crise là-dessus. Là. Non. Ils sont vraiment au niveau de la moyenne. Ouais. Mais après, ça tombe. Subaru, Volkswagen, Mazda, Acura, qui fait moins bien que la moyenne de l'industrie. Ce qui est étonnant quand on sait que Honda fait quand même beaucoup mieux. Oui, c'est ça que je comprends pas. Tu vois qu'il y a une disparité là parce que... Tu sais, Toyota, Lexus sont ensemble, c'est la marque, tu sais, Lexus, la marque de luxe de Toyota. Comment Acura peut se ramasser si bas quand tu partages les technologies, la même plateforme, même motorisation, même transmission? À mon avis, c'est une qualité de finition qui est différente. Et c'est peut-être aussi, et là, il faut se poser la question, c'est peut-être aussi dans la clientèle. Parce que si la clientèle n'est pas capable de manipuler les gadgets électroniques qu'il y a dans la voiture, ils vont s'en aller chez le concessionnaire. Et pour eux, ça va être un facteur important. De manque de fiabilité. Et rappelle-toi, là, Ford, avec son fameux système Sync, a eu toutes sortes de problèmes à cause de ça. Oui, ouais, c'est un fait. Mais ça reste intense. Là. Ça reste intense. Ouais. Par la suite, Nissan a 170 problèmes, c'est quand même beaucoup. Ouais. Land Rover, Mitsubishi, et là, on tombe dans la série catastrophe à partir de Mitsubishi, là. C'est 182 problèmes et plus. Alors, Mitsubishi, 182, Ford et Ram, 183, Dodge, 187, La déception, c'est Infiniti à 203. Ça, c'est presque inconcevable. C'est presque inconcevable. Oh, ouais. Jeep est à 209. Et, tiens bien ta tuque, comme disait l'autre, Fiat est à 298. Ouais. C'est-à-dire presque trois problèmes par voiture. Ouais. Mais ça, c'est pas nécessairement surprenant. Personne n'a jamais dit que Fiat était une compagnie qui faisait des voitures fiables. Non, mais en fait, il faut comprendre aussi, et je te rappelle, que ce sont des modèles 2014. Ouais. Or, en 2014, Fiat arrivait, entre autres, et toute la division Chrysler FCA, en fait, arrivait avec leur célèbre transmission 9 vitesses, exact. Qui était de la cochenoute. Fait que c'est peut-être la pire année. Une transmission qui n'était même pas eux autres, c'est ZF qui faisait. Mais qui a exactement, fait toujours. Mais elle a été vraiment mal, mal programmée dès le départ. Ouais. Alors moi, je pense que ça a largement contribué à la descente aux enfers de FCA dans ce sondage-là. Ouais. D'après moi, Chrysler va remonter dans ce palmarès-là quand on va taper les voitures 2016, 2015 peut-être. Là, ça va s'améliorer. Effectivement. Il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que le top 10 des voitures les plus vendues en Amérique, sont tous à moins de 134 problèmes. Donc, ils sont tous bien, bien meilleurs que la moyenne de l'industrie. C'est en soi une excellente nouvelle. Ça veut dire que, en fait, les véhicules qui ont des problèmes sont des véhicules qui se vendent moins. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Ouais. Et juste rapidement, parce qu'on veut passer à d'autres choses aussi, là, on a aussi nommé des gagnants par catégorie, des modèles par catégorie. En fait, on a nommé, et ça m'a bien fait rire, on a dit que le meilleur modèle était à 76 de résultats et le pire était à 326. Mais on n'a pas voulu nommer quels étaient ces modèles-là. Ouais. OK. Ce qui est drôle aussi, il y a une note en bas de page qui dit Smart est inclus dans l'étude, mais n'est pas classifié parce que il y a trop de. Il n'y a pas assez de voitures. Mais la question que je me posais aussi, Tesla est où là-dedans? Tesla n'a pas vendu assez de voitures. Et encore? Okay. C'est pas significatif pour être. Je trouverais ça intéressant de voir où Tesla se retrouve. Parce que Tesla aussi a eu des problèmes avec le Model X, le Model S et tout ça. J'aimerais ça voir où il se retrouve là-dedans. Tesla, ce n'est qu'un gros problème en général avec les voitures. Bref. Tu sais, j'aime beaucoup Tesla. Dans les catégories, il faut dire aussi que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est vraiment dans les catégories comme les petites voitures et tout ça. Vite, là, Chevrolet Sonic l'a emporté, mais écoute, le reste, c'est une domination quasiment littéralement Toyota. Toyota Prius, Lexus ES, Toyota Camry, Lexus GS, Toyota Avalon, Lexus RX, Toyota Prius V, Toyota FJ Cruiser, Toyota Sienna. Comme tu vois, on est assez dans le Toyota. Et Toyota Venza, ce sont tous des gagnants. Donc, sur 16 catégories de véhicules, il y en a 10 qui ont été gagnantes par Toyota. Donc, quand même, une domination largement par Toyota. Non, ça prouve certaines choses. C'est peut-être pas la compagnie qui fait des voitures les plus inspirantes à conduire, mais... Mais de plus en plus, ils se sont améliorés. Ça, il faut leur donner ça. Ouais, ouais. Rapidement, parler de trafic, parce qu'il y a encore des études de trafic. Montréal qui se positionne au 27e rang au monde comme étant la ville où le trafic est le plus important. On perd en moyenne 56,4 heures par année sur l'heure de pointe dans la région de Montréal. Mais rassure-toi, c'est pas si pire que ça, puisque la pire ville, c'est Los Angeles. 104 heures de perdu par année quand tu restes à Los Angeles. Ouais. Par contre, c'est une firme qui s'appelle Inrix qui a fait le sondage sur 1064 villes au monde. Celle qui a le meilleur classement canadien, c'est St. Catharines en Ontario. Elle est 1008e, où tu perds seulement 21h ou 19h plutôt. Donc, tu devrais aller rester en Ontario si tu ne veux pas perdre ton temps. Ouais. Saint-Étienne n'est pas sur la liste, il n'y a pas beaucoup de trafic dans mon coin. Non, ouais. J'imagine qu'il n'y a personne qui va aller là, de toute façon. Aïe. C'est pas vrai, c'est très mignon comme endroit. Ben oui, l'une des 10 plus belles plages au Québec. C'est bon. Ouais. Rapidement, encore une fois, il y a eu un autre sondage qui a été fait par une firme qui est GFK. Non, ça n'a rien à voir avec le poulet, Luc, avant que tu me poses la question. Ni le président canadien, non. Ni le président canadien, ni un autre dirigeant de compagnie. En tout cas, ce qu'on a voulu savoir, en fait, c'est quels étaient les facteurs importants pour l'achat chez les hommes et chez les femmes c'était quoi la différence. Alors, chez les femmes, par exemple, 83% disent que la fiabilité, c'est important. 80% c'est la sécurité en cas d'accident. 75% c'est l'économie de carburant. Et 74% vise les faibles coûts d'entretien, faibles coûts d'utilisation. Okay. Chez les hommes, la fiabilité est à 77%. La sécurité et l'économie de carburant est à 65% dans les deux cas. Et la qualité de l'assemblage est à 62%. Donc, c'est quand même intéressant de voir la différence. Chez les hommes aussi, 41% disent que le fun to drive, donc le facteur plaisir de conduite, est à 41%. Et on croyait que les femmes y accordaient beaucoup moins d'importance, 39%. Donc, les femmes aiment aussi bien conduire, je pense. On commence à en avoir la preuve. Bon, ça prend un petit feeling quand tu conduis à un moment donné. Effectivement, c'est ce que je pense aussi. Bon. Et une dernière petite nouvelle, toute petite, parce qu'on ne peut pas faire un bulletin de nouvelles sans parler de Donald Trump. Si tu veux t'acheter une Ferrari, sa F430 est à vendre. On estime qu'elle va se vendre à l'enquête entre 200 et 350 000 $ parce qu'elle a appartenu à M. Trump. Honnêtement, moi, j'aimerais mieux aller acheter un vieux Ford Pinto. Mais ça, c'est un commentaire très personnel. Ben, ça pourrait coûter cher de la faire désinfecter aussi, fait que non. Bref. Fait que voilà qui met fin aux nouvelles pour cette semaine, mon ami. Ouais, dernière petite chose vite. Carlos Ghosn n'est plus chez Nissan, a pris sa retraite et a laissé sa place. Donc, Il est encore chez Nissan comme président du conseil. Ouais, mais j'ai hâte de voir ce que ça va faire côté direction. C'est lui qui poussait beaucoup la Leaf et tout ça. Hein. Que... Oui, mais ça ne changera pas grand-chose parce que la personne qui le prend, M. Hiromu Sakawa, était le co-président du groupe de toute façon. OK. Il travaillait déjà avec Carlos Ghosn. Alors, à mon avis, il n'y aura pas de grandes modifications d'orientation. Donc, ils ont la même vision peut-être. OK, on verra ce que ça donne. Donc, Marc, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Écoute, le meilleur moyen, c'est d'aller sur mon site marcbouchard.ca. Il y a là toutes les coordonnées, ma page Facebook et tout ça. C'est là qu'il y a même mon compte Instagram, donc vous pourrez me suivre. Sinon, il y a toujours sur Twitter Marc_Bouchard et notre célèbre adresse courriel que je n'ai toujours pas retenue. Un jour peut-être, mais je te pardonne parce que, tu sais, ton âge. Donc, c'est info@saroulradio.com. Si vous voulez écrire là, ben moi et Marc recevons tous les deux les courriels. Donc, on peut vous répondre, que ce soit adressé à un ou à l'autre. Moi, sur Twitter, c'est @Calazormo. Il y a aussi le compte de Saroul Radio sur Twitter, qui est Saroul Radio. Notre compte Facebook, qui est Saroul Radio aussi. Le site, qui est saroulradio.com. Vous pouvez nous écouter sur Twitter, vous pouvez nous écouter sur iTunes, sur Twitter aussi peut-être, là, mais sur iTunes et sur Google Play, en plus de quelques radios web comme sportradio.ca, Radio H2O et Radio Highway. Et ça fait pas mal le tour. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cette émission avec nous cette semaine. Et si tout va bien, nous serons de retour la semaine prochaine, si Marc se met pas à chanter. Donc, merci à tout le monde. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.